attendre les ventes. Chez Matelas Confort, vous profitez toujours d'une qualité exceptionnelle à un prix inégalable depuis plus de 45 ans. Matelas Confort, juste pour le plaisir de bien dormir, avec la qualité et le prix du manufacturier. Matelas Confort! Les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Eh bien, bonjour, bienvenue au Grain de sable. Ici Jean Cloutier à l'animation. Restez avec nous. En deuxième demi-heure, nous aurons Baptiste Gaudry qui nous parlera d'une activité très spéciale organisée par Attaque Québec, mais à Montréal. Donc, nous parlerons de cette rencontre de mobilisation d'attaque contre les paradis fiscaux. Pourquoi pas? Et je viens tout juste de recevoir la revue Relations pour qui... veut une société juste, la revue février 2017. Je ne sais pas si elle est déjà en kiosque. Normalement, c'est le vendredi. J'aurais dû vérifier avant de venir cueillir ma version ici à la station CKRL. Donc, sur le thème « Incursion dans l'athéisme », on a aussi un très bon texte sur Québec vers un revenu minimum garanti, mais je voudrais m'attarder un peu plus sur un texte que vous connaissez peut-être, typique des sujets de grains de sable, Monsanto en procès. Eh bien oui, en novembre dernier, il y a eu un grand procès, plus de 750 personnes ont assisté à ce procès, plusieurs organismes se sont impliqués, et j'aurai un témoignage d'un des... témoin qu'on pourrait dire effectivement des conséquences de ces produits de Monsanto, donc un petit grain de sable à partager avec vous. Il y a aussi quelques textes que je voudrais partager avec vous concernant des sujets évidemment aussi important que de vous remercier, et quand je dis ça, c'est surtout les gens, les Européens, qui ont, grâce à des dons de 15 000 euros, pourront financer une activité vraiment intéressante qui est de financer le procès sur l'évasion fiscale en France. Donc, il y a toutes sortes de possibilités en 2017 de voir la vie du bon côté. Et il y a aussi un texte intéressant de Jean-Claude Ravet en éditorial de la revue Relations. Le numéro 788 dont je parlais tout à l'heure, pour janvier-février 2017, Trump dans l'air du temps. Thank you. Basic Instinct, peut-être vous souvenez-vous de cette musique thème. Alors, pour Monsanto en procès, des avancées juridiques importantes pour mettre au pas les entreprises agro-industrielles pourraient découler du tribunal Monsanto. Un texte de Marie-Ève Vogel-Robert dans la revue Relations, celle en kiosque à l'heure actuelle. L'auteur est responsable des communications à Vigilance OGM qui, par les Amis la Terre de Québec, sont très actifs. Et peut-être avez-vous vu passer une manifestation au printemps dernier contre les OGM, et bien Vigilance OGM et avec les Amis la Terre de Québec, organisateurs de ce genre de manifestation. Alors, du 14 au 16 octobre dernier, un exercice inédit s'est tenu à La Haye, aux Pays-Bas. Le tribunal Monsanto. Son objectif était de juger la multinationale Monsanto pour violation des droits humains, crimes contre l'humanité et écocide. Dans Le Monde du 16 octobre, le journal Le Monde, 2016, la juge Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme et présidente du tribunal Monsanto, définit l'écocide comme étant un génocide attaché à l'environnement, des atteintes à l'environnement qui altéreraient de façon grave et durable les écosystèmes dont dépend la vie des humains. La reconnaissance juridique des crimes contre l'environnement et de l'écocide est l'un des enjeux de ce tribunal que le Nigérian Nimo Bassé, président des Amis de la Terre internationale de 2008 à 2012, a exprimé en ces termes « La nourriture est synonyme de célébration, de culture, de vie. Il ne s'agit pas d'une lutte contre une seule entreprise multinationale, mais c'est un combat pour la vie. C'est un combat pour la liberté, un combat pour arrêter les grandes entreprises de coloniser nos systèmes alimentaires, de coloniser notre agriculture. » Donc, plus de 750 personnes de quelque 30 nationalités ont assisté aux délibérations lors desquelles 5 juges de renommée internationale ont entendu les témoignages d'une trentaine de victimes ainsi que des experts venus des 5 continents. Ils ont parlé des impacts de pratiques de Monsanto sur les agriculteurs, la santé animale et humaine, la biodiversité, les sols et les plantes. Ils ont rappelé le droit à l'alimentation, à un environnement sain, à la santé ainsi que le droit de savoir et d'avoir accès à l'information. Ils ont ainsi témoigné des pressions faites sur des acteurs et institutions de la société civile. Sabine Grataloupe, qui était là au nom de son fils Théo, qui est né avec une malformation de l'œsophage et de la trachée à la suite d'une exposition très forte à un désherbant à base de glyphosate au début de sa grossesse. Il a subi 50 opérations depuis sa naissance. Il a maintenant 9 ans. Et du haut de ses 9 ans, sa mère disait « Je suis présente ici pour sensibiliser, je l'espère, les opinions publiques et les responsables politiques du monde entier sur la nécessité de la mise en place d'une instance juridique internationale pour prendre en charge et juger ces crimes contre l'environnement et la santé de l'ensemble de la communauté humaine. » Je vous rappelle qu'il y a plus d'un an maintenant, lorsque Attaque Québec était présent à la CDP21, à la conférence des partis à Paris sur les changements climatiques, que vous avez sûrement entendu parler, ce que l'on criait, ce que l'on voulait, en fait, c'était la justice climatique. Donc, c'est un grand procès qui pourrait servir d'expérience vraiment internationale pour d'autres multinationales. Mais on peut comprendre qu'avant d'en arriver à des accusations formelles dans le cadre d'un tribunal international, il faut commencer par ces grands pollueurs dont Monsanto est vraiment une icône. Alors, tout l'intérêt de ce projet réside dans sa capacité à contribuer à de réelles avancées sur le plan juridique. Même s'il est symbolique, ce tribunal contribuera à la mise en place d'un mécanisme international et à l'élaboration d'un dossier juridique qui pourra être utilisé par les populations dans le cadre de futures poursuites contre Monsanto et d'autres multinationales de l'agro-industrie. Omnipotentes, ces entreprises le sont plus que jamais. L'annonce de l'achat de Monsanto par Bayer en septembre dernier, juste avant le tribunal justement, pour la somme de 66 milliards de dollars US, a créé un dangereux précédent. Une même compagnie contrôlera désormais la production de semences, de pesticides et de médicaments. Il manque juste les salons funéraires avec ça. Cela signe la... C'était mon commentaire, le dernier. Cela signe la poursuite d'un modèle agro-industriel qui intensifie le contrôle des multinationales sur les semences et le vivant. La perte de biodiversité, le réchauffement climatique, l'épuisement des sols, la contamination des ressources hydriques par l'utilisation des pesticides, etc., peut-on dire, à ce moment-ci. Pourtant, la prétention qu'a cette industrie de nourrir le monde résiste de moins en moins à l'analyse, les gros joueurs produisant plutôt de la nourriture pour l'alimentation animale, du carburant pour les voitures et du sucre pour l'industrie agroalimentaire, et ça, à un coût très élevé pour la santé et l'environnement, mais très payant pour les actionnaires. Il est temps de remettre le pouvoir entre les mains des personnes qui nourrissent vraiment la majorité des populations du monde, qui pratiquent l'agriculture paysanne et l'agroécologie, et qui travaillent dans le respect de la planète. Le tribunal Monsanto est un événement important pour leur donner des outils juridiques capables de faire valoir leurs droits. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation, au premier tir de sommation, que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans rêve, sans âme, sans violence. Sans rêve, sans âme, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre, vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. sans haine, sans armes, sans violence. Merci HK et les Saltimbanques, une chanson que j'ai découverte lorsque effectivement j'étais allé à Paris l'an dernier, en décembre 2015. Ah ben écoute, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2017. Le Grain de Sable aura plein d'invités intéressants pour vous. Restez avec nous d'ailleurs dans environ 15 minutes. On aura Baptiste Gaudry qui nous parlera de paradis fiscaux et quelques actions qu'on verra au cours de l'année 2017 pour encourager effectivement à dénoncer ces entreprises qui jouissent de paradis fiscaux, qui nous privent effectivement de certains deniers en impôts et en taxes. Alors, une des bonnes nouvelles, il faut quand même voir ce qui se fait de bien, c'est que d'après certains auteurs, et là je cite Wolfgang Strick, un texte de Crawford Killen, c'est un texte en anglais dans la revue de The, Capitalism is collapsing and the weird thing is that nothing is rising to replace it. Alors le capitalisme est en train de s'effondrer et la chose la plus bizarroïde c'est qu'il n'y a rien vraiment qui est en place ou en présence ou en montée pour le remplacer. D'après Wolfgang Strick, un Allemand, un sociologue allemand vraiment émérite, âgé de 70 ans et très actif aux études et sociétales de l'Institut Max Planck, eh bien, il pense que le capitalisme est en train, est inévitablement en train de finir et l'approche vraiment ça approche à grands pas d'une façon très rapide et d'après lui en fait malgré son expertise il n'y a aucune idée qu'est-ce qui va remplacer ce système dans lequel on vit et que dans le fond son dernier livre How Will Capitalism End, comment le capitalisme terminera, fait avancer cette pensée de Thomas Piketty du 21e siècle qui, dans le fond, M. Piketty pense que le capitalisme est de... comment dire... après cette ruine à la suite des deux premières guerres mondiales, la première guerre mondiale, cette grande guerre, et la seconde, qui ont comme un peu sauvé cet esprit du capitalisme en repartant le complexe militaro-industriel et les Trente Glorieuses qui ont suivi la seconde guerre mondiale, eh bien, on n'est pas en train de penser que une autre, on ne peut pas espérer qu'un autre sauveteur aussi cruel puisse avoir le potentiel de réapparaître. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre que la fin du capitalisme est déjà là et qu'on peut s'imaginer que malgré les milliers de coupures qui sont faites par les gouvernements dans le but d'essayer de sauver par l'austérité certains programmes, eh bien, que c'est pas... ce que il pourra effectivement sauver le capitalisme, alors que effectivement on n'a toujours pas un modèle qui semble apparaître et poindre autre que le capitalisme, de là cette accumulation de défaites face au capitalisme, mais dont on ne connaît vraiment pas les solutions. Donc c'est comme si on assistait comme il dit, an entirely endogenous dynamic of self-destruction. Donc, on est en train de s'auto-détruire en voulant garder ce modèle. Donc, pour ceux qui veulent élaborer un peu plus sur cette façon d'aborder le positivisme, eh bien, je vous réfère donc à Wolfgang Strick sur le titre de That Nothing is Rising to Replace It. Thank you. tout cela peut nous paraître mission impossible. Vous avez peut-être reconnu le thème de cette émission culte. Trump dans l'ère du temps. Toujours dans la revue Relations numéro 788 de janvier-février, disponible en kiosque. L'improbable s'est produit. Maître de la télé-réalité et homme d'affaires narcissique et crapuleux, misogyne, xénophobe et bouffon de surcroît, Donald Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique. Cœur financier du capitalisme et superpuissance en sursis. Bataillant pour maintenir son hégémonie mondiale, c'est là un véritable événement qui donne à penser. Je cite Jean-Claude Ravet dans son éditorial de Relations. On a beau dire que plus d'électeurs ont voté pour sa concurrente démocrate, non, effectivement, plus de 2 millions d'Américains, d'États-Unis, ont voté pour Hillary Clinton comparé à Donald Trump. Or, le constat demeure implacable. L'élection de Trump exprime bien le ras-le-bol d'une bonne partie de la population vis-à-vis de l'establishment politique que représentait Clinton, qui agit en sous-fifre des multinationales et de Wall Street, sans considération des gens et du bien commun. L'élection d'un anti-politicien à la Maison-Blanche est aussi un véritable désaveu d'une politique devenue anti-politique, vassalisée par les pouvoirs financiers et économiques. Beaucoup ont préféré, en votant soit pour Trump, soit pour un tiers candidat, dont Dr. Gil Stein du Parti vert américain, ou encore les libertariens extrémistes religieux, on pourrait dire, ou encore en s'abstenant. Cautionner ainsi le mensonge plutôt que de continuer à se soumettre à une réalité cadenassée par les puissants, prenant ici un risque inouï. C'est qu'une part croissante de la population est en train de se réveiller en sueur du rêve américain. Bien sûr, Trump n'est pas la solution. En populiste de droite, il se sert du peuple pour mieux servir ses intérêts financiers et ceux de sa classe. Les riches Américains l'ont compris. Eux qui ont voté largement pour lui, alors le remède choisi risque d'empirer le mal-être collectif en exacerbant les pulsions racistes, en accélérant la course vers la catastrophe écologique, en envenimant les conflits. On le sent bien, quoi. Le cabinet politique qu'il a choisi n'a rien pour nous rassurer, même si personne ne peut prédire ce que Donald Trump fera durant son mandat à partir du 20 janvier prochain. Surtout qu'il semble lui-même n'en avoir aucune idée, carburant à l'humeur du moment et par ses tweets, que je pourrais dire. Mais ce que l'on peut d'ores et déjà connaître, ne serait-ce que dans l'effroi, c'est ce dont Trump est le symptôme, le surgissement imprévu nous effrayerait. En fait, on a tendance à voir en lui une figure d'exception. Je pense, au contraire, qu'il nous effraie parce qu'il révèle au grand jour une normalité déshumanisante qu'on fait tout pour masquer. La figure de Trump est en cela le miroir grossissant de notre société. Elle a, par son excès, son outrance, le mérite de faire approuver l'air vicié du temps qu'on ne perçoit plus, tant on y est accoutumé, et de provoquer la nausée comme un avertissement d'incendie. L'homme qui cherche à ériger de nouveaux murs et des miradors aux frontières des États-Unis n'évoque-t-il pas, en effet, le dispositif sophistiqué de surveillance, de contrôle et d'exclusion systématique déjà en cours, sans tambour ni trompette? L'homme qui substitue le mensonge à la réalité n'est-il pas, en fin de compte, le porte-parole sans phare et tout désigné d'une société passée, maître dans l'art de la propagande et qui pose de plus en plus l'opérativité, l'efficacité et l'accroissement des profits comme seul critère du réel auquel on ne peut que se soumettre? L'homme à la verve assassine, que l'on voit dans un clip tiré du revolver assis à une table de conférence, n'est-il pas l'image du monde où la parole évidée, à coups de slogans, de clichés et de mots clics, est devenue une simple arme au service des puissants et de leurs dictats? Le promoteur de la télé-réalité ne se trouve-t-il pas au diapason d'une société spectacle où la citoyenneté se confond avec l'idée d'un public qui applaudit ou qui hue? Son discours chauviniste, matiné, de haine de l'étranger, appelant à retrouver la puissance militaire d'antan, n'est-il pas finalement l'écho d'un monde écrasé sous le bulldozer du capital, parfaitement adapté aux marchandises et aux flux financiers plutôt qu'aux êtres humains eux-mêmes? plutôt que d'en rire ou d'en pleurer, ou d'agiter cette figure outrancière comme un épouvantail pour nous enfoncer davantage dans un statu quo intenable ou une fuite en avant, nous pouvons nous en servir comme d'un choc salutaire pour nous engager dans de nouveaux commencements. Nous pouvons en faire un levier pour habiter pleinement le monde, l'espace public, la parole et l'imagination créatrice en se les réappropriant comme des dimensions fondamentales de l'existence et de la vie démocratique, et ainsi dessiner le changement de cap radical qu'il nous faut entreprendre. Alors, la chronique « Question de sens » inaugurée l'année dernière est signée en alternance par la poète Tess, Hélène Dorion et le théologien Guy Côté, se poursuit cette année sous la plume de Jean Bédard, écrivain, philosophe et fermier. C'est avec joie que nous l'accueillons par nos collaborateurs réguliers dans la revue Relations. Donc, je vous lisais en fait l'éditorial de Jean-Claude Ravet, « Trump dans l'ère du temps ». Et d'ailleurs, mettez à votre agenda, si vous le voulez bien, une soirée relation qui se déroulera ici à Québec. Une soirée relation sur le thème « L'eau au Québec, source de vie et source de profit ». C'est le mardi 14 mars prochain, vous avez le temps de le mettre à votre agenda, puisque ce sera à la fin de cet hiver, tout juste une semaine avant le début du printemps. Alors, « L'eau au Québec, façonne l'imaginaire collectif ». Autant par le chemin qui marche, qui est le Saint-Laurent, que par les lacs qui parsèment son territoire. L'eau est un bien commun, autant symbolique et culturel que social et économique, façonne le Québec en tant que peuple et société depuis les siècles. Malgré toutes ces dimensions, l'eau est soumise à plusieurs menaces, pressions et défis, gaspillage, surexploitation, pollution, malversation, marchandisation. Nous aborderons donc le 14 mars prochain, grâce à l'invitation des Amis de la Terre de Québec. Trois questions lors de cette soirée du 14 mars. Comment les dimensions symboliques et culturelles de l'eau façonnent l'imaginaire collectif du Québec? Quels sont les projets et activités qui actuellement menacent l'eau au Québec en tant que bien naturel et commun? Dans quelle mesure l'actuelle politique de l'eau du Québec est-elle au service de la vie ou du profit? Alors, c'est André Beauchamp, théologien connu, président de la commission de la gestion de l'eau sur du BAP en 1999 et 2000. D'ailleurs, je pourrais ajouter ici, fondateur du BAP lui-même et premier secrétaire général du ministère de l'Environnement qui a permis de fonder le BAP. Daniel Green, écotoxicologue, président de la Société pour vaincre la pollution, qui est aussi en fait porte-parole et chef adjoint du Parti vert du Canada. Et Martine Châtelain, porte-parole de coalition au secours. Donc, rendez-vous, Amis de la Terre, soirée relations. Le 14 mars. Écoutez CKRL 89.1. grains de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. Laisse passer l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Et merci Baptiste Gaudry d'être avec nous, porte-parole d'Attaque Québec en direct de Montréal. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette activité qui aura lieu à Montréal mardi le 10 janvier prochain de 18h à 20h, avenue du Parc. Vous serez là pour faire une rencontre de mobilisation d'attaque contre les paradis fiscaux. Je rappelle qu'Attaque est l'association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et ici, si vous voulez nous mettre en contexte, pourquoi cette activité à ce moment-ci contre les paradis fiscaux? Merci Jean, je suis très heureux de pouvoir honorer cette invitation. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que 2017 va être une année importante pour faire bouger les lignes en ce qui concerne les paradis fiscaux. Puis, à Attaque, avec d'autres organisations, on va essayer vraiment d'exposer encore plus clairement aux citoyens, aux citoyennes, la façon dont une minorité de gens fortunés, de multinationales, par des montages bancaires et juridiques, s'organisent pour soustraire une partie de leur argent à l'impôt. Alors, on va vraiment essayer de mettre de la pression sur nos représentants pour sortir du statu quo qui existe en ce moment. Je pense que vous vous rappelez peut-être le 26 octobre dernier du rejet de la motion du député de Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois par le gouvernement libéral au pouvoir et par le Parti conservateur. Alors on va vraiment essayer d'accentuer la pression. Et puis cette pression, elle va venir de l'organisation, mais comme vous l'avez dit, d'une journée internationale contre les paradis fiscaux. Quand est cette journée exactement? Alors c'est le 3 avril 2017. Ça sera la première année où elle sera organisée. Alors en fait, l'idée de cette journée, elle vient d'une assemblée générale de convergence qui a eu lieu au dernier forum social mondial, qui était l'été dernier à Montréal, et plus particulièrement d'une assemblée de convergence qui s'appelait « Désarmer la finance et atteindre la justice fiscale ». Et il y avait un certain nombre d'associations présentes, dont une coalition qui s'appelle la Global Alliance for Tax Justice, dont Attaque fait partie. Et puis, il y a eu des délibérations pendant les journées, en fait, même en amont du Forum social mondial, pour arriver à une déclaration qui comprenait un certain nombre d'engagements, comme concevoir des actions créatives pour dénoncer l'implication des banques dans l'évasion fiscale, mener des audits citoyens de la dette. Vous savez aussi, ça c'est un élément important, pouvoir savoir quelle est la taille de la dette, avoir un certain contrôle citoyen sur la dette. Et un des éléments de cette déclaration, c'était bien sûr le lancement d'une journée de mobilisation internationale contre les paradis fiscaux. Et la date, c'est celle du 3 avril, parce que, vous souvenez-vous, en fait, on avait parlé en avril, je pense, on avait été invité avec Claude Vaillancourt à parler des Panama Papers. Et en fait, ils ont été divulgués dans la presse le 3 avril 2016. Donc, pour célébrer cet anniversaire, eh bien, on s'est dit que c'était une belle occasion pour marquer le coup de faire une journée internationale contre les paradis fiscaux le 3 avril 2017. Il y a quand même eu quelques rencontres. Même le 19 décembre dernier, il y a eu des rencontres intéressantes. Il y a aussi la coalition Main Rouge qui est impliquée, Échec aux paradis fiscaux, ainsi que le Forum social mondial 2016. Je crois que vous y étiez et j'ai même assisté à une certaine conférence dans les ateliers d'attaque sur les faucheurs de chaises, notamment. Est-ce qu'on doit s'attendre à des actions particulières d'ici le mois d'avril? Alors en fait, effectivement, il y aura des actions pour le 3 avril, la journée du 3 avril 2017, mais en fait, c'est toute une semaine d'actions qui va commencer à partir du samedi 1er avril. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment à Attaque, et c'est l'objet de la rencontre de mardi, mardi qui arrive, le mardi 10 janvier, de 6h à 8h, je vais redonner les coordonnées pour la rencontre tout à l'heure. Mais l'objet de cette rencontre, qui effectivement, comme vous dites, s'inscrit dans une série de rencontres où on organise les événements qui vont avoir lieu durant cette semaine de mobilisation. Alors, ce qu'on souhaite à Attaque Québec, c'est bien sûr l'organiser avec l'alliance la plus large possible de la société civile, c'est-à-dire des citoyens, des citoyennes, d'autres organisations. Vous venez de nommer la coalition Échec aux paradis fiscaux, la coalition Main Rouge, mais aussi d'autres syndicats qui ne sont pas membres de ces coalitions, des organismes communautaires qui ont été touchés par les politiques d'austérité. Alors, je ne vais pas révéler tout notre programme. Je pense qu'il faut garder une partie de surprise, puis justement, on invite les gens à venir s'impliquer dans cette rencontre et les suivantes. Mais il va y avoir des activités ludiques, en fait, sur le 1er avril, sur la thématique des poissons. Le monde des paradis fiscaux, c'est un peu un monde dans lequel tout va un peu à l'envers, et ce sont les gros poissons qui échappent au filet et les petits qui sont pris. Alors les gros poissons, ils profitent de l'offshore, de la capacité à dédoubler le lieu réel de leur activité et le lieu d'enregistrement légal de leur compagnie par le biais de sociétés écrans. Mais les petits poissons, comme vous et moi, on n'a pas cette capacité de disparaître du radar de Revenu Québec ou de Revenu Canada, et puis on contribue en droit, c'est tout à l'impôt. Alors il va y avoir une petite activité le 1er avril sur cette thématique-là. Et le 3 avril, une conférence de presse, certainement un atelier, une conférence avec des invités surprises. Et puis on va essayer aussi de produire un document inédit avec des chiffres sur les paradis fiscaux, sur les pertes fiscales et tout ce qu'on pourrait réaliser collectivement avec cet argent-là. D'ailleurs, j'ai vu en France, Attac France et d'autres organismes se sont ligués ensemble pour essayer de faire une campagne de financement. Ils ont ramassé 15 000 euros. Pour financer une poursuite contre l'évasion fiscale. Est-ce que ce genre de campagne de financement va se faire ici aussi, outre-Atlantique? Alors, c'est une excellente mobilisation en ce moment qu'Attaque France réalise sur cette question-là. Je pense qu'on est à la fois très influencé par ce qu'ils font et on est dans une dynamique d'échange avec eux aussi pour leur insuffler des idées de notre côté aussi. Alors, je pense que c'est tout à fait le type d'activité qui pourrait sortir de l'implication de personnes dans cette rencontre et dans les rencontres qui vont suivre. Pour l'instant, on n'a pas discuté de cette question du financement et de ce moyen d'aller chercher de l'argent, mais ce serait tout à fait approprié. Les activités qu'on va faire, pour l'instant, ne demandent pas énormément de fonds. On essaye d'y aller avec des activités assez pâchées, qui reposent sur la mobilisation. Mais effectivement, l'engagement de fonds, ça nous permettrait d'aller un peu plus loin dans la mobilisation aussi. Je vois aussi sur le site d'Attaque Québec, québec.attaque.org, qu'il y aura un blocage national le 21 février. La coalition Main Rouge prend d'assaut le Big Four. Un rendez-vous est donné à la Place du Canada à Montréal à 7h30 le 21 février. Peut-être qu'on pourra faire la même chose ici à Québec. On va en parler aux gens d'Attaque de la capitale nationale. Récemment, dit-on dans le communiqué, le gouvernement a lancé quelques maigres promesses d'investissement en santé et en éducation. Pense-t-il ainsi nous faire oublier qu'il a saccagé le système de santé, asphyxié le monde de l'éducation, détruit le filet social, qu'il s'est attaqué aux plus vulnérables d'entre nous? Pendant ce temps, il se fait complice du Big Four. Là, j'explique, peut-être êtes-vous familier aussi avec le Big Four. On dit KPMG, PwC, ça c'est Power... Pricewaterhouse. Et Deloitte, et EY, on fait référence... Ernst & Young. Quatre grandes compagnies internationales qui facilitent et encouragent l'évasion fiscale et l'évitement fiscal des plus riches et des grandes entreprises. Le gouvernement québécois pourrait récupérer 740 millions qui échappent aux caisses de l'État chaque année en luttant plus sérieusement contre l'évasion fiscale. Donc, il y a des gros chiffres en jeu. On parle de 750 millions. Oui, il y a des gros chiffres. Alors, oui, pour le Québec, c'est une estimation, c'est une fourchette basse, en fait, près de 800 millions, bien plus considérable qu'en ce moment la fraude à l'aide sociale. Hein. Au Québec, vous savez, la fraude à l'aide sociale, c'est un peu plus d'une centaine de millions, c'est 4% du montant de l'aide sociale versée. Alors, le gouvernement a tendance à cibler ce type de fraude sociale, alors que la fraude fiscale génère des pertes bien plus importantes. On parle de 800 millions pour le Québec, et puis pour le Canada, peut-être de 5 à 8 milliards, selon les estimations les plus modeste, et de 8 à 15 milliards annuellement, selon les estimations les plus hautes. Alors, ce que disent ces chiffres, c'est qu'il y a vraiment une actualité brûlante en contexte d'austérité de cette question des paradis fiscaux pour les pays du Nord comme pour les pays du Sud. On voit que vraiment la question des paradis fiscaux, c'est une menace à la démocratie. Ils nuisent à un projet vraiment de société égalitaire. Et l'évasion fiscale, c'est vraiment un vol de richesse, un vol organisé, très bien structuré par tout un tas de processus juridiques, par des montages financiers. Et on peut collectivement, premièrement, exposer clairement ces mécanismes, les dénoncer, mettre de la pression auprès de nos représentants, et puis petit à petit démonter ces mécanismes-là. Alors, je pense que c'est vraiment l'objet de ces rencontres, de cette mobilisation, à la fois celle de la coalition Main Rouge, destinée à mettre en lumière les pratiques du Big Four, mais c'est aussi l'objet de cette rencontre internationale, de cette journée internationale contre les paradis fiscaux, qui aura lieu le 3 avril 2017. Donc pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui sont disponibles à Montréal ce mardi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe de 6h à 8h le soir, au 3720 Avenue du Parc, au deuxième étage. Donc la porte d'en bas sera débarrée. Et puis s'ils ne sont pas disponibles à cette rencontre-là, dans les infolettes d'attaque, on va vous tenir au courant de toutes les nouvelles rencontres qui vont suivre. Ben, Baptiste Gaudry, merci beaucoup. Et là, je m'adresse au Saint-Plistère en terminant. Est-ce que vous avez des vœux de bonne année à souhaiter nos auditeurs de Québec? Bien sûr, mais on continue la lutte, on ne lâche rien. 2007, ça va être une année de tous les combats. On l'a vu, il y a énormément de défis à relever. On l'a vu à la fin de cette année 2016. Je pense qu'ensemble, on va y arriver. Et puis pour le volet simplicitaire, mais je pense que c'est un beau chemin pour s'affranchir de toute la vie matérielle aussi. Il y a cette dimension-là dans la simplicité volontaire qui est extrêmement importante aussi, donc ne pas s'embourber dans le matériel pour affronter ces défis collectifs. Merci et bonne année à tous nos amis d'Attaque Québec à Montréal. Bonne année! Au revoir. On a commencé dans des caves soi-disant mal fréquentées, bloquées dans une enclave que tout le monde appelait cité. Passer des nuits blanches à faire le tour de la question. On s'est retroussé les manches, on est reparti au charbon. On y est allé dans les tranchées, fleurs au fusil comme en 14. On s'en est pris plein la tronche en défendant nos justes causes. Créer un ministère, celui des poètes enragés. Enjamber des barrières sans jamais tomber dans le fossé. Évitant les facilités, les caricatures, les discours accrédités, les bienveillantes autocensures dans nos villes, dans nos campagnes. Sûrement pas pour nous seuls. Déplacer des montagnes sans jamais fermer nos grandes gueules. C'est à nous de jouer maintenant. It's time for us. À nous de jouer maintenant. Est-ce que t'entends? Stop without the sheet on the radio. Stop without the sheet on the radio. C'est à nous de jouer maintenant. It's time for us. À nous de jouer maintenant. Est-ce que t'entends? Stop without the sheet on the radio. Stop without the sheet. Dégaine de rappeurs, ils nous regardaient de haut. Notre argot et nos couleurs donnaient pas cher de notre peau. Ils ne s'arrêtaient qu'aux apparences et leur regard était faussé. Nous n'entrions pas dans leur case, leur repère était dépassé. Scénar écrit d'avance, il faut croire que c'est drôle. Le méchant de service, il pensait à nous pour ce rôle. On n'était pas donné gagnant, sans la ligne de départ. Au dos, le dossard des perdants, la côte estampillée tocard. Et nous voilà 20 ans plus tard, fidèles à nous-mêmes. Ni au mitard, ni au placard, mais bien au centre de l'arène. Toujours les mêmes lascars, les mêmes rappeurs de quartier. Assez naïfs pour croire qu'une chanson peut changer. C'est à nous de jouer maintenant. It's time for us. À nous de jouer maintenant. Est-ce que t'entends? Stop without the sheet on the radio. Stop without the sheet on the radio. C'est à nous de jouer maintenant. It's time for us. À nous de jouer maintenant. Est-ce que t'entends? Stop without the sheet on the radio. Stop without the sheet on the radio. Voyez les étoiles tellement de fois si tu savais. On a lâché que dalle, putain qu'est-ce qu'on a pu kiffer. La scène, notre royaume, notre essence, notre horizon. Notre salaire, notre opium, notre jardin, notre maison. On en a fait du chemin, jamais en première classe. À l'ancienne comme des forains, tassés dans un fond qu'on ne place. Les radios nous ont zappés, pas surprenant. On était trop ou pas assez, mais jamais à court d'arguments. T'entends la merde qui met dans les oreilles de nos mômes. Comprends qu'il y a un problème, pourquoi on doit changer la donne. Notre combat, notre ambition, nous élever, nous et les autres. Ambition pour ceux qui sont restés trop longtemps à la porte. C'est à nous de jouer maintenant. It's time for us. À nous de jouer maintenant. Est-ce que t'entends? Stop without the sheet on the radio. Stop without the sheet on the radio. C'est à nous de jouer maintenant. It's time for us. À nous de jouer maintenant. Est-ce que t'entends? Stop without the sheet on the radio. Stop without the sheet on the radio. À nous de jouer maintenant, HK Les Saltimbanques. Vous savez, la plateforme de l'association Attaque Québec est quand même particulière, adoptée en congrès lors de sa fondation le 8 avril 2000. Alors, va comme ceci. Malgré un développement sans précédent des capacités de production de richesses, la libéralisation effrénée des marchés financiers mondiaux, de concert avec l'élargissement des échanges de biens et de services, dont les termes ne peuvent que rarement être qualifiés d'équitables, aggrave, quand elle ne les provoque pas carrément, l'insécurité économique et les inégalités sociale. Elle contourne et rabaisse les choix des peuples, les institutions démocratiques et les États souverains en charge de l'intérêt général. Elle leur impose des logiques strictement spéculatives, favorisant les seuls intérêts des entreprises transnationales et des marchés financiers. La liberté totale de circulation des capitaux, les paradis fiscaux et l'explosion du volume des transactions spéculatives acculent les États à une concurrence effrénée en vue d'attirer les gros investisseurs. Au nom du progrès économique et de la modernité, 1 800 milliards, là on parle en l'an 2000, de dollars US vont et viennent chaque jour sur les marchés d'échange à la recherche d'un profit instantané, sans rapport avec ce qu'on pourrait dire l'état de la production et du commerce des biens et services. Là, on n'est pas dans le libre-échange conventionnel, on est dans les transactions financières. Au nom d'une transformation du monde présentée comme naturelle et inévitable, sous prétexte de développement économique et de l'emploi, non seulement les citoyens et leurs représentants se voient-ils disputer le pouvoir de décider leur destin, mais les États sont même enclins à abandonner leur souveraineté au profit des investisseurs. Cela menace sérieusement la démocratie. De plus, une telle évolution a pour conséquence l'accroissement continu des revenus du capital au détriment de ceux du travail, la généralisation de la précarité et finalement la mondialisation de la pauvreté. Sous couvert de sécurité et au motif souvent fallacieux que les régimes publics de retraite seraient bientôt impliqués, eh bien, on comprend que il est urgent d'enrayer ce processus en créant de nouveaux instruments qui permettront de reprendre le contrôle au plan national et international. Nous savons pertinemment que les gouvernements ne le feront pas sans qu'on les y pousse. Une mobilisation générale s'impose donc. La plupart des engrenages de cette machine égalitaire entre Nord et Sud, comme au cœur même des pays développés, peuvent encore être enrayés. Trop souvent, l'argument de l'ordre économique naturel tire sa force de l'ignorance entretenue sur les alternatives possibles. C'est ainsi que les institutions financières internationales et les grands médias, dont les bénéficiaires de la mondialisation sont souvent propriétaires, ont fait le silence sur la proposition de l'économiste américain James Tobin, prix Nobel d'économie, de taxer les transactions spéculatives sur les marchés des devises, même fixé à un taux particulièrement bas de 0,05%, la taxe Tobin rapporterait près de 100 milliards de dollars par an. Plusieurs autres mesures de contrôle et de réduction de la spéculation sont également envisagées, notamment l'élimination de l'évasion fiscale. Par exemple, les paradis fiscaux sont autant de zones où règne le secret bancaire qui ne sert qu'à camoufler des malversations et d'autres activités mafieuses. Toutes les grandes banques de la planète y ont des succursales et en tirent grand profit. Des milliards de dollars sont ainsi soustraits à toute fiscalité, au bénéfice des puissants et des établissements financiers. Il est impératif de mettre fin au détournement de ces richesses et d'en assurer une redistribution équitable. Les sommes perçues, collectées pour l'essentiel par les pays industrialisés où sont localisées les grandes places financières, pourraient, entre autres, être versé en grande partie ou totalement à des organisations internationales pour des actions de lutte contre les inégalités, pour la promotion de l'éducation et de la santé publique, pour la sécurité alimentaire et le développement durable. De tels dispositifs alimenteraient des logiques de résistance, redonneraient des marges de manœuvre aux citoyens et aux États lui permettant de reprendre le dessus. À cette fin, a été créée l'association Attaque Québec, Association québécoise pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens, qui entend produire et diffuser de l'information pour agir en commun tant au Québec qu'à l'échelle internationale. L'association vise à contrer la spéculation internationale, à promouvoir la mise en place des mécanismes de contrôle et de régulation des marchés financiers, à convaincre les autorités politiques de la nécessité d'assurer une plus grande équité fiscale à l'échelle nationale, aussi bien qu'internationale, à taxer les revenus du capital, à sanctionner les paradis fiscaux en vue de leur élimination, à viser la fin du secret bancaire entourant les transactions financières internationales et d'une manière générale, à reconquérir les espaces perdus par la démocratie au profit de la sphère financière et s'opposer à tout nouvel abandon de souveraineté des États sous prétexte du droit des investisseurs et des marchands. Il s'agit tout simplement de se réapproprier l'ensemble de notre monde. Attaque Québec. Vous êtes peut-être reconnu là. C'était la chanson thème de Goldfinger. Il fallait l'écouter jusqu'à la fin. Hein? Alors, écoutez, ici Jean Cloutier à l'antenne de Grain de Sable. La semaine prochaine, ne manquez pas, notre chroniqueur Étienne Blondeau sera de retour avec une chronique et je vous laisse aller sur notre page Facebook et notre blog pour connaître le sujet de notre émission de la semaine prochaine, samedi 14h. Écoutez, je ne vous retarde pas plus longtemps, je vous laisse entre les mains des Geeks Contre-Attaque. Vous savez, il y a plein de nouvelles choses à venir en 2017 dans le domaine de l'informatique et en tout cas vous connaissez les Geeks Contre-Attaque. Alors moi je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine et vous dire que dans le fond si vous n'avez pas les moyens d'avoir vu le film demain alors que l'humanité est menacée par l'effondrement des écosystèmes, un groupe d'amis part explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et à travers eux, la nouvelle génération, à partir des expériences les plus abouties dans divers domaines, ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l'avenir. Alors, le 23 janvier prochain, à la Bibliothèque Gabriel-Leroy, une projection discussion avec débat, oui, c'est bien sûr, si vous y êtes, si vous êtes contre ces mouvements de transition, allez-y, allez vous exprimer, allez débattre à la Bibliothèque Gabriel-Leroy le 23 janvier prochain à 18h30, c'est gratuit, et il y aura rediffusion le 24 janvier à 14h, le 25 janvier à 18h30, le 26 janvier à 14h, donc, dans la semaine du 23 janvier, possibilité de voir ce film gratuit. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. 89.1. T'es musicien, chanteur, poète, slameur, conteur, humoriste ou tu pratiques un art de la scène hybride? Participe au concours Montre tes talents au sacrilège. 15 participants performeront semaine après semaine les mercredis dans l'émission Jamais comme tout le monde. À gagner une bourse de 500$, une campagne publicitaire d'une valeur de 1000$ sur les ondes de CKRL et un spectacle avec cachet dans le cadre des Jeudis chauds du sacrilège. Inscris-toi en ligne avant le 7 janvier sur ckrl.qc.ca. Bonne chance! Une présentation de CKRL et du bar Le Sacrilège. Il y avait une pomme accrochée. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Le titre Les Curiosités, ça fait référence entre autres au cabinet de curiosités. L'exposition Les Curiosités de l'artiste Vicky Sabourin, présentée à la Galerie Famille au Musée des Beaux-Arts du Québec. Moi, je leur offre quelque chose. Je leur offre mon univers, mon imaginaire. On a joué avec les troncs d'arbres. Tout le talent d'ici, une seule adresse. Lafabriqueculturelle.tv. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Pamela, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose « Pas de deux » de Anne Guilbeault. Roman tout en douceur où l'on plonge dans les souvenirs et les espoirs de 13 personnages témoins d'un événement tragique. 13 personnages qui imaginent les deux petits pas qu'il leur reste à faire pour que tout change enfin. Et Amélie, de la succursale Saint-Roch, vous suggère « Chat et ruelle de Limoilou » de Geneviève Le Sieur. Un livre magnifique qui nous fait découvrir Limoilou et ses chats à travers une mosaïque de photos superbes. Pour voir tous les trésors cachés des ruelles du quartier et les chats qui les habitent fièrement. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Signé et doublé. Vous avez un produit ou un événement à promouvoir?